sa wo pe ugba die un blera bo na bo toto aba robert dio yapone j'ai vu ton fils j'ai rencontré robert dio à 6000 km de chez nous très loin du pays natal au-delà des océans c'était à paris un matin j'ai ouvert un journal à la page 2 je suis tombé sur une photo et c'était écrit Robert Dio, né à Bangolo, Côte d'Ivoire. Je suis resté là à contempler cette photo. Elle ressemblait trait pour trait au visage de centaines, de milliers d'enfants nés à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Oh. Ça ou père, ou Dieu ou plaira bon. Bou toto haba Robert Dio yakone ne J'ai vu ton fils C'est l'aîné de tes enfants n'est-ce pas J'ai vu Robert Dio Le gamin que tu appelais Unko est devenu un grand garçon Là-bas loin de son bangolo de toujours il a réussi sa vie Il s'est introduit au cœur du pouvoir Lorsqu'il m'a reçu à son bureau de l'hôtel de ville d'Amiens, il s'est précipité vers moi. Il m'a dit d'appeler. Toute mon existence, j'ai pensé que même les choses les plus cruelles servaient à l'homme, enrichissaient son expérience. Mais de cela, qu'est-ce qu'il peut en sortir de bon? Pourquoi faut-il qu'un enfant enterre sa mère prématurément à l'âge de 50 ans? Zawope, ugbe un terabo, Dio Robert ya purene, na we bodo. Il a levé les yeux vers moi. Son regard était baigné de larmes. J'étais resté là, à ne pas savoir que lui dire. En fait, je n'avais pas de réponse à apporter aux interrogations que pose la vie. Parce que nous autres êtres humains sommes rassemblés sur terre. Comme des oiseaux sur une île. Chaque matin, nous nous rions à l'assaut de la montagne. Nous courons après nos illusions. Puis un jour, c'est le verdict, le silence absolu. Le destin nous rappelle dans ce moment-là que c'est à lui seul que revient la décision finale. Oh, qu'il est pénible de voir un ami pleurer sa mère. Robert Dio. Ça ou pas? Ugbe un plerabo, Robert Dio yapone na bonumbo. J'ai vu ton enfant, nous sommes devenus des amis. Un matin dans la brume de l'aube naissante, nous marchons sur la plage du Touquet. Et il m'a dit qu'il ne nous verra jamais. C'était à Bangolo, la lune brillait très haut dans le ciel, comme notre vieux soleil. La mère et le fils étaient assis côte à côte à même le sol. Tu lui avais exprimé tes doutes et tes espoirs sur l'avenir. Tu avais pleuré et ton fils avait essuyé tes larmes. Il t'a dit, maman, je partirai d'ici. Je m'en irai de chez nous. Mais je reviendrai pour t'aider à rendre ta vie meilleure dans la profondeur de ces forêts. J'ai vu ton fils, j'ai rencontré ton enfant. Il se souvient encore, c'était en 1973. À l'aéroport international de Paul Brouet, il était 22h30. À 19 ans, il embarquait à bord d'un avion direction Paris. Il n'avait pour tout bagage que son adolescence et beaucoup d'illusions. Il laissait derrière lui sa Côte d'Ivoire natale, ses amis, et puis toi. Comme l'on abandonne sur le quai les véritables mobiles de sa vie. Zawope, Ugbe nous labo, Robert Dio Yapone, Nawe Kutoto. J'ai vu ton fils, celui dont tu as souffert de l'absence jusqu'à ta mort. Mais moi d'appeler, je peux te dire ceci. Tu dois être fier de ton garçon. Donne-lui ta bénédiction. Aide-le à continuer son chemin. Repose en paix. Tu vois, je te cherche déjà. Je te pleure aussi. Je ne puis retenir mes larmes. Et voir un ami pleurer sa mère. Oh, qu'elles sont impénétrables les raisons du destin. Zawoud. Ce message s'adresse par ma voix à tous ceux qui ont perdu quelqu'un qui leur cherche dans la vie. À tous ceux qui ont perdu leur mère, comme Robert Dio. À tous ceux qui ont perdu un parent qui leur est cher. Zawepe, Agbe Borabo, Dio Robert Ayapone, Bato Kigloe, Kunke Ubebo. Zawepe, Dowo Beheme, Dio Robert Ayapone, Na Ukodwago. Thank you.